La Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue à tous dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Jean-Philippe Hubert. Bonjour. Bonjour Claire. Alors Jean-Philippe est l'initiateur du mouvement MOSICA, qui veut dire Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Alors Jean-Philippe, parle-nous de ce mouvement. Alors le mouvement MOSICA est un mouvement qui est né en 2012 et qui est sorti au public à peu près en 2014, qui est encore en phase de mise en place parce qu'on attend une plateforme internet qui va s'ouvrir pour pouvoir organiser tout ça. L'objectif de ce projet est très ambitieux puisqu'on a pour ambition de passer dans un système d'organisation non marchand et qui fonctionnerait aussi sans dirigeant. Mais avec une organisation démocratique globale, une ODG. Voilà. Bah, l'ODG, c'est un système d'organisation de prise de décision qui fonctionnerait à la base, donc en partant par des assemblées de quartier, okay. Où n'importe qui pourrait prendre part aux décisions qui concernent son quartier. Et c'est un système de porte-parole des différents quartiers qui formerait l'assemblée de la ville ou du village. D'accord. Et donc après, on a un troisième niveau, au niveau régional, qui rassemblerait donc tous les porte-parole des différentes communes de la région, où là, on traiterait justement de toutes les questions de la gestion des ressources pour la production, transport, distribution ou échange avec des autres régions. Okay. Puis il y a un quatrième niveau qui est le niveau culture, ce qui correspond aujourd'hui aux nations. Et enfin, une assemblée monde pour toutes les questions qui concerneraient l'humanité entière, comme par exemple la gestion de la démographie. Donc vaste, vaste mouvement, vaste projet. Et donc pour l'instant, vous en êtes encore à organiser en petits groupes. Alors il y a 3800 membres sur 60 okay. pays aujourd'hui. Donc il y a déjà des assemblées qui sont créées. On attend le système internet pour pouvoir cartographier les membres, c'est-à-dire pouvoir se retrouver très facilement, mais qui ne devrait pas tarder. Et donc voilà, pour l'instant, nous sommes dans la création des vidéos pour expliquer pourquoi ça marcherait, comment ça marcherait, et même pour aller plus loin, pourquoi c'est nécessaire par rapport à l'environnement. Ouais. Et donc, oui, on disait, le plus difficile, c'est quand même à être à contre-courant, en fait, face à l'organisation de la société aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, c'est la monnaie quoi, qui prime. Alors, comment faire avec les deux ? Alors, bah, c'est justement le fait d'avoir conscience qu'il faut être à contre-courant, parce que si on est tous d'accord que ce système n'est pas le bon, comme disait Krishnamurti, c'est pas une raison de, on n'est pas, c'est pas une, comment il disait, on est, c'est un sage indien, hein, lui. Hein. Ouais, Krishnamurti disait, c'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade, quoi. Et être à contre-courant, ça me pose absolument aucun souci. Au contraire, on se dit on peut être dans le juste parce que justement on est à contre-courant. Après, on peut pas en fait fonctionner dans la gratuité si tout le monde n'y est pas. Donc c'est justement central dans le projet MOSICA, c'est qu'un jour tous ensemble, on n'utilise plus de moyens de paiement. Wow. Donc ça nécessite une phase de préparation qui a déjà commencé pour nous. Quoi. Donc la préparation, c'est d'être anticipé, qu'est-ce qu'on fera tout de suite après. Oui, ce qui répond aussi à la crise financière qui nous pend au nez, de dire on fait quoi après Alors nous, justement, on peut sortir avant. Quoi. C'est, le projet MOSICA ne nécessite aucun moyen financier, ne peut pas avoir de barrière ni politique ni administrative telle qu'il est conçu. C'est-à-dire qu'en gros, si nous sommes très nombreux à l'échelle planétaire à vouloir le faire, il se fera. Il n'y a pas de barrière autre qu'une barrière psychologique à se dire qu'il faut arrêter avec ce système de facturation des uns des autres qui pourrit et l'environnement et notre façon de fonctionner et la société. Quoi. Ouais. Donc ce qu'on propose est quelque chose qui est forcément, on va dire, assez pharaonique, mais pour nous, c'est essentiel. On pense très sincèrement que tout ce qu'on pourrait faire sans se passer de cette mesure-là ne servirait pas à grand-chose. On serait dans le détail sans être dans le principal. Parce que tous les problèmes environnementaux, on le sait, c'est en gros le réchauffement climatique, la multiplication des déchets et l'épuisement des ressources. Le maître mot qui est le dénominateur commun des trois, c'est donc de ralentir la consommation. Et un système marchand, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, on cherche des clients, on les pousse à consommer. C'est ça. La surconsommation, ce n'est pas un problème des clients et des consommateurs à la base. Hein. Ce n'est pas un dégât collatéral des travailleurs, c'est l'objectif du monde du travail. développement du travail à l'intention de chercher des clients et des pousser à consommer et mettre tous les stratagèmes possibles et inimaginables comme les prix dégressifs, les cartes de fidélité, l'obsolescence programmée. Donc c'est tout cet ensemble qu'on doit reprendre à la base et donc changer carrément de paradigme. Ouais, donc changer même le sens du travail, le sens de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, comment on va le faire. Voilà. Ouais. Nous, ce qu'on propose, c'est que ce changement de paradigme nous permet d'avoir une page blanche et de tout redessiner, de redéfinir notre société vraiment aux bases. Les bases que nous, on propose sont les bases de l'équité, qui sont extrêmement importantes pour deux raisons. C'est à la fois pour la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'on s'entende bien dans les difficultés comme dans nos réussites. Et la cohésion sociale et l'équité qu'on propose, ça va permettre aussi de travailler vraiment à minima pour nous tous. C'est-à-dire pas passer autant de temps à nous fatiguer la semaine au travail et d'avoir très peu de temps pour récupérer au niveau de nos énergies. Ça, c'est bien. C'est pas mal, ouais, parce qu'on court tous après le temps et ça devient assez infernal. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'on arrête avec ce système où certains peuvent faire une action, un rôle social qui lui plaît, et tandis que les autres vont faire des métiers qui leur plaisent absolument pas, parce qu'ils n'ont pas le choix, soit on ne paye pas... payer une misère. Donc, une des bases au niveau des rôles sociaux, c'est que chacun puisse exercer dans le secteur de son choix. Donc, c'est-à-dire de réunir tous ceux qui veulent s'occuper du pôle alimentation, de ceux qui aiment bien jardiner, les maraîchers, etc. Tous ceux qui veulent s'occuper du pôle santé, tous ceux qui veulent s'occuper du pôle enseignement, recherche, etc. Déjà, première chose qui est importante, c'est que chaque pôle n'a pas à être en concurrence. Ce qui est exactement l'opposé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle que soit votre activité, celui qui a la même activité que vous, vous piquer vos clients. Donc on réunit par pôle d'activité et ensuite vous allez me dire mais qui va faire ce que personne n'a envie de faire? Et bien là, même principe d'équité, c'est d'accord. Que tout le monde met la main à la pâte. Après il y a une forme de don sans attendre en retour, mais c'est ce que ce je qui est je très comprends. Important. Mais après il n'y aurait pas quand même des abus, je veux dire, la nature de l'homme fait qu'il y en aura toujours qui voudront quand même avoir un pouvoir sur l'autre, même s'il n'y a pas de monnaie. Donc Justement, je suis d'accord avec ce constat, il y en a peut-être qui voudront avoir plus de pouvoir, mais le fait de supprimer l'argent supprime un outil possible de pouvoir. D'accord. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, on n'a que deux formes de pouvoir actuellement, c'est le pouvoir politique et le pouvoir financier. Et les deux ne tiennent que parce qu'il y a de l'argent. Si nous n'utilisons pas d'argent entre nous, les deux vont s'effondrer comme un château de cartes. Le pouvoir financier, c'est assez logique à comprendre. Le pouvoir politique, simplement, c'est parce qu'il nous contrôle en dirigeant les budgets, parce qu'ils ont une armada de fonctionnaires qui sont payés pour nous sanctionner financièrement. Donc sans argent, en fait, ils ne peuvent pas avoir cette mainmise sur nous. Alors après, beaucoup de gens disent « oui, mais il y aura peut-être d'autres formes de pouvoir qui existeraient ». Alors déjà, pour le moment, ils n'existent pas. On a deux qui nous préoccupent à cette heure-ci parce qu'ils sont vraiment extrêmement puissants. Et ça serait quand même bien un moment que, simplement d'un point de vue éthique, personne ne doit diriger les autres. C'est pas une loi de l'univers. C'est à la fois immoral, absurde et ça n'a pas vraiment de sens. C'est de l'ego qui s'est formé, qui s'est battu pour pouvoir diriger les autres. Mais ce pouvoir hypothétique, pour l'instant, nous, on n'en a strictement rien à faire. Et d'autant plus que je demande souvent, donnez-moi une façon de dominer de masse si l'argent n'existe pas. Ouais. Et ça fait 5 ans que je pose la question et que personne ne me donne une solution. Donc le pouvoir de masse comme ça, sans argent, c'est vraiment très, très compliqué. D'accord. Ouais. Et concernant, tu disais la santé, mais pour construire des logements, des hôpitaux, fabriquer les ustensiles, les outils... comment on peut faire sans argent que les uns construisent, fabriquent mais... Système coopératif, c'est des choses qui existent. Si vous mettez une annonce au niveau de la ville, il y a quelqu'un qui va construire une maison. C'est sûr. Si vous allez trouver peut-être 40 personnes, et encore, je pense que beaucoup plus. Si on a tous du temps, tout le monde n'aura pas forcément envie de participer, mais on n'a pas besoin de tout le monde pour une maison. Ça serait 500 000 personnes pour Nancy, ça ferait beaucoup de gens pour une maison. Mais le système a quand même besoin d'une contribution bienveillante et altruiste, en fait, de tout le monde. C'est repenser nos relations humaines, repenser la vie, quoi, en fait. C'est génial comme idée, c'est un projet fou. Ça donne envie, quoi, c'est clair. Mais justement, je pense que la plupart d'entre nous vivons dans cette illusion que nous fonctionnons de prime abord de manière totalement individualiste. Ouais. C'est-à-dire que les sciences cognitives ont justement étudié l'impact de l'argent sur le comportement humain. D'accord. Et c'est incroyable, en fait, l'effet négatif que ça a. Parce que c'est des effets qui ont été étudiés à l'insu, en fait, des gens. Enfin, ils savent qu'ils sont là pour tester quelque chose, mais ils ne savent pas c'est quoi. Et les chercheurs vont faire ce qu'ils appellent une technique d'amorçage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre deux groupes qui vont faire les mêmes tests, sauf le premier test où un groupe va toucher de l'argent. Ils vont toucher des billets de banque ou alors ils vont devoir écrire une liste qui ont trait à l'argent. Et après, en fait, ils vont observer la différence de comportement dans les deux groupes. En résumé, c'est très simple. Du moment qu'on touche à l'argent, qu'on pense à l'argent, pendant quelques temps, on va avoir un comportement plus individualiste, moins altruiste, perte de l'empathie, perte des valeurs éthiques et morales. Wow. Et donc, s'il n'y a pas d'argent, immédiatement, et chez nos contemporains, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'éducation, c'est-à-dire que si l'argent n'existait pas entre nous, vous verriez tout le monde immédiatement avoir un comportement beaucoup plus altruiste, parce que du moment que vous ne pouvez plus payer les autres, il va falloir faire très attention à votre comportement, c'est-à-dire avoir un comportement de respect. Parce que les gens n'ont pas du tout intérêt à vous donner si l'argent n'existe pas, si on n'est plus payé pour ça. Donc, ce que nous disent les sciences cognitives sont extrêmement importants. C'est que déjà, il ne peut pas y avoir de société, de bonne société, tant qu'on utilisera de l'argent, parce qu'il a cet effet-là sur nous. Et que si nous nous débarrassions tous de l'argent le même jour, immédiatement, nous verrions nos comportements s'élever vers plus d'altruisme et de solidarité. Wow. Faudrait faire un essai. Bah, Bon, la crise financière arrive, donc on peut faire un essai. Mais c'est justement dans les crises comme ça, c'est pareil. L'humain, enfin moi c'est un truc que j'ai beaucoup appris parce que justement j'ai beaucoup essayé d'étudier ce qu'on savait scientifiquement, hein, pas m'en tenir à mon ressenti, mais ça a été énormément étudié comment nous fonctionnons. C'est-à-dire que tu dis, tiens, il faudrait peut-être tester ça, c'est ce qu'on étudie les sciences cognitives. Ils vous le disent, ils vous l'affirment, qu'on se comporte tout de suite mieux s'il n'y a pas d'argent. Ça a été testé en laboratoire. Et dans les cas de crise majeure, c'est pareil. On pense tous qu'on va céder à la panique, à l'égoïsme, au pillage, etc. Et c'est d'ailleurs une citation qui est mise dans le site du Mossica d'Enrico Quarantelli, le cofondateur du Centre de recherche sur les catastrophes naturelles, qui a étudié l'impact du comportement, où il dit qu'il serait bien gêné pour citer sur 700 études de cas, de catastrophes, hein, on parle, hein, des comportements qui relèveraient en fait de la panique. C'est du moment qu'il se passe quelque chose de fort, notre instinct nous indiquera toujours d'être plutôt calme et d'être plutôt solidaire. Bah ça me fait passer à ton souvenir fort, qui est calme. C'était une randonnée en Corse quand tu avais 10 ans. Et alors, la question, combien de temps, par exemple, tu marchais? Qu'est-ce que tu voyais comme paysage? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? En fait, mon souvenir est très vague en termes d'image, c'est justement plutôt de l'émotion, hein, parce que c'est un peu la question. J'ai pas de souvenir de grand-chose. Je me souviens que c'est des petits chemins qui avaient pas l'air d'être énormément empruntés, parce que vraiment très très petits sentiers, une végétation extrêmement luxuriante. Ça sentait la nature, mais je m'en souviens, surtout qu'à 10 ans, ça m'intéressait pas trop la nature, bien que j'ai grandi à la campagne, mais j'étais plutôt dans les Go ou l'ordinateur. Mais c'est la première fois vraiment que la nature m'a époustouflé. Parce que j'ai ce souvenir-là de l'avoir regardé silencieusement, tellement que je trouvais ça beau. Ouais. Ce qui est malheureux aujourd'hui, bon, la Corse, c'est un peu surfréquenté par les touristes. Mais tous les beaux endroits sont C'est surfréquentés. ça. C'est un peu dommage parce que ça salit un peu la nature et elle est quand même très belle. Mais tu es retourné en Corse depuis ce Je suis temps-là? retourné une fois que je devais avoir 14 ans et j'ai pas trop de souvenirs. Bon, bah tant pis. Alors, dans tes choix musicaux, j'ai sélectionné pour le premier intermède Sky and Sand de Paul Kalkbrenner. In the night time, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. venons d'écouter Sky and Sand de Paul Kalkbrenner. Vous êtes sur Fadjet, dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Alors Jean-Philippe est l'initiateur du mouvement Mossica, mouvement pour une civilisation consciente et autonome, qui propose une sortie du capitalisme en trois étapes. Alors tu as choisi aussi de nous faire partager ce que tu ressens face à cette actualité du bouleversement climatique au travers d'une émotion particulièrement intéressante. C'est en fait le sentiment qu'un changement de paradigme approche. Alors je définis un peu ce qu'est le paradigme. Alors il y a plusieurs formes quand même de paradigme. Une des formes, bon, par exemple en philosophie, où ça peut désigner l'ensemble des éléments qui forment un champ d'interprétation d'une réalité à un moment donné. Mais bon, plus largement, ça constitue un modèle cohérent de représentation du monde et d'interprétation de la réalité largement acceptée dans un domaine particulier. C'est une manière de voir les choses, voilà, qui repose sur un modèle théorique. Aujourd'hui, on est à la veille d'un bouleversement du modèle de société. Alors, rien n'est plus aléatoire que notre monde d'aujourd'hui. Tout est remis en question. Les réalités, les modèles. Alors, toi, Jean-Philippe, comment tu traduis ton idée de paradigme ? Alors, la définition que tu as donnée est vraiment pas mal en disant que c'est une façon d'interpréter un modèle d'organisation. Mais si on veut schématiser, en fait, on a plein de paradigmes. Par exemple, notre conjoint est un paradigme. C'est, voilà. Donc, c'est-à-dire que si la situation avec le conjoint ne va pas, donc vous allez peut-être essayer le petit week-end en amoureux, essayer de discuter, peut-être le psychologue de couple, etc. Donc il peut y avoir pas mal de choses pour essayer d'améliorer le paradigme. Le changement de paradigme, c'est se séparer du conjoint pour passer à autre chose. D'accord. Et en fait, c'est ce changement-là est extrêmement important parce que si on reste toujours bloqué dans le même paradigme et qu'on ne se permet pas d'imaginer que le paradigme en question peut être quitté, en fait, on peut rester bloqué dans quelque chose qui peut être extrêmement nocif. Par exemple, si le conjoint est quelqu'un de violent, donc il faut pouvoir avoir cette porte d'entrée de pouvoir sortir. Notre système est violent. Et c'est pour ça que vouloir transformer un système qui est parti tellement loin dans les dérives est pour moi une illusion. Quand vous parlez d'un monde sans argent, on vous dit que c'est utopique. Mais là, ce qui est utopique, c'est de vouloir transformer un système là en un bon système. Les dettes sont à 250 000 milliards de dollars. Totalement irrécupérable. 84% des richesses vont dans les poches de 1%. Oui. Tout est parti dans les pierres des rives. On utilise 150% des capacités de notre planète. Donc, on ne peut pas atténuer un système qui ne fait que s'accélérer. Il est beaucoup plus simple, en fait, de changer carrément toutes ces bases parce que, de toute façon, les bases du système ne sont pas le bon. Le système marchand, une fois encore, c'est un système d'impulsion de l'achat qui n'est pas celui du consommateur, mais celui des travailleurs qui vont toujours chercher simplement à faire leur beurre. Hein. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Mais ce mode d'organisation qui existe depuis... qui s'est échafaudé sur 2700 ans entre la création de la monnaie et aujourd'hui, nous emmène vers ce système-là. Et c'est vrai que donc, le changement de paradigme, c'est que lorsque l'on essaye d'arrêter d'améliorer ce qu'on a, si je reprends le problème du conjoint qui serait violent, imaginez la différence que ça serait entre vouloir, pour changer de situation, le transformer en prince charmant ou alors le quitter. Forcément, on sait qu'il faut le quitter. On sait que du moment qu'on le quitte, c'est terminé. Si nous, on fait ce que nous proposons dans le projet Mossica, le passage de l'étape 1 à l'étape 2, c'est-à-dire de ne plus du tout utiliser d'argent, il faut comprendre que le capitalisme n'existe plus, que 250 000 milliards de dollars de dettes n'existent plus, que les inégalités n'existent plus, que plus personne ne fera d'obsolescence programmée, que les réseaux pédophiles s'arrêteraient, que les mafias s'arrêteraient. C'est d'une efficacité extrême. Et c'est un changement de paradigme. C'est comme se séparer du conjoint. C'est fini, c'est derrière. Et l'efficacité est à 100%. Donc évidemment, je sais... Là, on a parlé pendant l'interlude musical que les gens ont peur de l'inconnu, mais si on n'a pas le courage à ce moment-là de l'inconnu, pensez à si c'était votre meilleur ami qui était sous les emprises d'un conjoint violent, qu'elle aurait peur de le quitter, quoi. C'est à peu près la même chose. Ce qui est effrayant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est pas ce qu'on propose d'aller en dehors et vers une sortie, quoi. C'est clair que oui, votre projet est une véritable opportunité, en fait, pour se réinventer, se découvrir de nouvelles capacités et s'ouvrir en fait au monde. On a les capacités de loger tout le monde. Par exemple, en Union européenne, on a 11 millions de logements vides, il y a 4,5 millions de sans-abri. Okay. D'accord ? On peut nourrir absolument tout le monde, on pourrait nourrir à peu près, je crois, 9-10 milliards de personnes, hein, parce qu'il y a 40% de la nourriture de façon qui est gâchée à cette heure-ci. Donc, ces capacités à cette heure-ci de nourrir tout le monde, loger tout le monde, on les a. Comment ça se fait que ce ne soit pas appliqué ? Donc voilà. Et pourquoi j'ai le sentiment que c'est un changement de paradigme? Parce que tout ce qui précède un changement de paradigme, c'est justement l'oppression, la tension, c'est, alors il y a un aspect très noir à ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est toujours un annonciateur d'un changement de paradigme. Pensez à un accouchement, pendant 9 mois c'est calme, et c'est les tensions, les contractions qui font qu'à un moment quelque chose va sortir. Et quand on quitte chez papa-maman, c'est toujours la même chose, c'est qu'à un moment on n'en peut plus. Et voilà. L'émancipation, c'est toujours de façon plongée dans le nouveau. Même si on a peur de l'inconnu. Mais là, moi, la chose que je vois, c'est pas, malgré que je vois la négativité, malgré que je sais que les trajectoires sont pas forcément optimales sur le plan environnemental, mais quoi qu'il en soit, c'est pour moi une renaissance qui est déjà en train d'apparaître. Oui, et ça, vraiment, ça donne envie d'y aller, quoi. Parce que oui, on sent que là, il y a des tensions, on sait qu'il faut y aller, et il manque juste un peu de courage, en fait, et d'unicité, en fait, entre tous. Il y a... Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas si négatif sur l'humain. J'en ai un peu ras-le-bol des fois de lire sur les réseaux que l'humain est un con. Pas tous, hein. Voilà. Non, mais c'est un manque d'objectivité Oui. qui est total parce qu'il y a des. Ceux qui font le plus de mal font le plus de bruit. Ils sont pas représentatifs du tout de l'humanité. Hein. C'est Pour clair. moi, l'humain moyen est quelqu'un qui a du respect, qui a un peu peur, effectivement, mais qui est à l'écoute au moins de son entourage. Je pense que vous pouvez demander un service dans la rue à quelqu'un, est-ce que tu pourrais m'aider à décharger ma voiture? Vous allez tomber quasiment que sur des gens qui vont vous dire oui. Enfin, l'humain, en fait, envisage toujours la négative, ça on le sait, les études psychologiques le savent, c'est n'importe quel scénario, alors qu'il y aurait une possibilité infinie d'aller vers le meilleur, on voit toujours l'impossibilité infinie d'aller vers le pire. Donc voilà, non, l'humain est bien plus grand qu'on ne croit, et c'est pas que d'un point de vue technique, c'est que d'un point de vue humain, il n'y a jamais autant d'associations, il n'y a jamais autant d'idées, même si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Mais en tout cas, le potentiel de renouveau, il est là. Après, c'est vrai qu'on a une masse qui est un petit peu dormante, qui est. Enfin, elle est consciente, mais elle n'imagine pas qu'elle doit s'inscrire dans une action. Ça, c'est, il y en a quand même beaucoup trop qui sont dans le « je sais qu'il faut ». Ou alors, ils s'arrêtent peut-être au éco-geste en se disant « bon, bah voilà, si je fais du tri sélectif, j'ai fait juste mon rôle ». Mais je pense que non, il y a une solution, il y a vraiment une sortie à tout ça, parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais ça demandait à ce que les masses s'éveillent. Alors, tu parlais tout à l'heure de la crise financière. Alors, est-ce que c'est ça qui va nous sortir de là? On verra. Nous, on la voit pas forcément négativement, Oui, nous bien aussi, sûr. car Ah bah non, ouais, nous, c'est vrai on la que. voit comme un truc qui va peut-être nous mettre en éveil. Bien sûr, moi aussi, ouais, je pense. Voilà, le côté positif, on va continuer avec ton deuxième choix musical et c'est Nana de Polo et Pan, c'est ça? Ouais, je sais pas si on dit pas au Pan, pan. pan. écouter Nana de Polo et Npan. Vous êtes bien sur Fadjet, l'émission de La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe qui nous a fait partager son expérience émotionnelle face à la catastrophe environnementale. Et donc l'émotion, c'était le changement de paradigme qui approche. Donc c'était, ça peut être sombre, mais aussi très positif. Et cette musique, en fait, ça me dit aussi qu'il faut vivre pleinement chaque jour, profiter des petits moments comme des grands moments de bonheur. Et là, ouais, la musique, ça faisait un peu comme une sorte de contre-pied face à la tempête. Et c'est agréable. On est sur une plage, là, Hawaï, c'est ça ? Peut-être. C'est un style hawaïen. Oui. Style hawaïen. Et ouais, je t'avais demandé, est-ce que tu connais la traduction des deux phrases qui se répètent dans la musique ? Mais tu sais pas. Donc, s'il y a des Hawaïens quelque part, dites-nous ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, Polo Npan, c'est un duo musical français de musique électronique fondé en 2014. Donc, c'est pas très vieux. Mais ouais, c'est un super univers. Ouais. Donc, écoutez. Nous allons passer à la partie culturelle de l'émission et tu as choisi deux œuvres. On va en parler une principalement. C'est une gravure sur bois de Camille Flammarion. Alors, c'est pas vraiment de lui, je crois. C'est le titre est Universum. Je dis bien ? Oui, Universum, je sais pas. Ouais. C'est latin, je pense. Et alors, dis-nous un petit peu en quoi, qu'est-ce que c'est comme gravure ? Comme là, on l'a pas sous les yeux, mais est-ce que tu peux nous la décrire ? Donc, c'est une gravure de 1888 où on voit dans une bulle un paysage avec des montagnes à l'arrière où il y a des arbres, un homme qui est à quatre pattes et qui avance et il a juste la tête qui sort en fait d'une bulle et on voit que le monde où son corps baigne encore et dans cette bulle-là. Et en fait, il est à l'extérieur, en fait, il découvre en fait un autre monde. C'est la définition du paradigme. Voilà, c'est-à-dire que tout son socle de pensée, en fait, était dans le monde où il était. Et à un moment, il découvre en fait que tout son socle pouvait être en fait différent. Pour revenir sur le paradigme, en fait, c'est vraiment notre schéma de pensée à la base qui est modifié, quoi. D'accord. Et donc ça, tu l'avais trouvé où, la gravure ? Enfin, tu l'as... En cherchant, dans la première version du Musica, j'avais cherché la définition de paradigme, parce que je n'arrivais pas à en trouver une qui me convenait. Ouais. Et c'était celle de Wikipédia. Et la définition que j'avais à l'origine, parce que le projet, bon, il a eu des nouvelles versions pour un peu l'alléger et le raccourcir, que ce soit plus facilement abordable et plus facile à traverser. Et donc, il n'y a plus la définition qui était à l'origine. Par contre, la photo, elle y est toujours. Si vous cherchez sur Paradigme, sur Wikipédia, vous verrez la gravure là, à cet endroit-là. Et, c'est vrai, cette gravure, je me suis dit que c'était exactement ça. Parce qu'à la base, je suis né dans ce système-là. J'ai grandi dans ce système-là. J'ai été formaté par ce système-là. On se paye. Je te donne que si tu me donnes, bien etc. Sûr. Et ça a été un bouleversement quand, à un moment, je me suis dit, et si on se plantait tous, quoi ? Est-ce que c'est si logique que ça, que de fonctionner sur l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose ? Et c'est vrai qu'au début, on a tous ce sentiment de rejet. Hein, c'est-à-dire qu'au monde sans argent, on ne sait pas forcément définir immédiatement pourquoi, mais on sait que, on nous quelque chose dit, non, c'est juste pas possible, c'est utopique, comment ça peut se passer, ces choses-là ? Mais ce qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille, c'est que comment on peut avoir une conviction aussi forte sans l'avoir expérimenté ? C'est-à-dire que tout le monde a cette certitude-là, alors que l'argent a été créé il y a 2700 ans, nous sommes tous nés dans ce système-là, nous avons tous été formatés par ce système-là, et aucun d'entre nous n'a expérimenté ce que serait un système non marchand avec les capacités de tout le monde, la technologie d'aujourd'hui, les logiciels d'aujourd'hui. Et pourtant, quand vous parlez d'un monde sans argent, on a un rejet qui est certain, alors qu'on n'y connaît que dalle, tous. Ouais. Et en plus, c'est sans réflexion aucune, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire le test autour de vous. Qu'est-ce que tu penserais d'un système non marchand, d'un monde où l'argent n'existe pas ? Vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui dirait pourtant ce qui serait, selon moi, la réponse de l'honnêteté, c'est dire « écoute, je n'ai pas réfléchi, laisse-moi un petit peu de temps ». C'est-à-dire qu'on a tous un rejet qui est immédiat. Et ce rejet-là, on pourrait se dire « alors peut-être... » qu'il est issu d'une vérité, c'est que c'est une mauvaise idée, mais il peut être parfaitement la définition en fait, de quelque chose qu'on n'arrive pas à conceptualiser parce que notre esprit est formaté et qu'on a peur du nouveau et que c'est un état d'évitement. Mmh. Et j'ai vraiment de plus en plus le sentiment qu'on est dans un état d'évitement parce que des fois, en discutant avec des gens Si vous assistez un jour à une des conférences, le paquet d'arguments en faveur d'un monde sans argent, c'est costaud de chez costaud. Hein. Mmh. On parle quand même de la fin, de tout ce qui nous emmerde, de tout ce qui fait la une aux informations. Et pourtant, on a souvent dans le débat, oui, mais il y aura peut-être ça. Et si vous trouvez un bon contre-argument, il dit, ah oui, mais il pourrait y avoir ça. Mmh. Et on sent souvent voilà, qu'on cherche à avoir quelque chose qui nous rassure qu'il ne faut pas le faire. Parce que certainement, enfin moi c'est comme ça, je l'analyse, c'est très personnel, mais pour moi, moi je vois beaucoup d'évitement parce que voilà, y a trop de changements de repères dans ce truc-là, quoi. Et pourtant, la plupart des gens dans les débats confirment que ça serait souvent inévitable parce qu'il y a une partie dans la présentation où j'explique comment on peut démontrer et que chacun peut être. Le faire de son côté pour s'assurer que si on veut un changement de société, ça ne peut pas être une option. On ne peut pas changer grand chose si on ne met pas comme mesure dans toutes celles qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il n'y a que la disparition de l'argent, d'arrêter de consommer de la viande, de consommer local, tout ça, oui. Mais ça n'a pas le poids en termes d'efficacité pour changer la société qu'aurait en fait la non-utilisation de la monnaie. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, déjà, mais je pense que beaucoup d'auditeurs sont intéressés par le mouvement Mosica. Moi, déjà, première. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi, Claire. Voilà, de nous avoir fait partager ton engagement, ton émotion et voilà, ce beau projet. Ce fut un moment particulièrement intense, je veux dire. Donc, chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée et pour y participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook La Nature et Moi. Vous y retrouverez des références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt. Ciao.